Bonjour, direct samedi le 3 décembre. Bon, ça fonctionne ou pas? Calice de technologie de merde. Ok, ça marche. Donc, bon, samedi 3 décembre, j'ai un entretien qui a été fait avec David Lévesque, qui a été fait jeudi. Bonjour Camille. J'ai mis le lien dans la description du direct. Donc, bon. Bon matin, valeureuse. Un de nos ministres, Pierre Fitzgibbon. Bonjour, Marine. Bonjour, amour, vérité, Marie-C. Donc, bon matin. Oui, notre ministre, Pierre Fitzgibbon, nous prépare à l'austérité énergétique pour cet hiver. Le Québec, qui est une province qui possède ses propres infrastructures hydroélectriques, au point d'en exporter, d'en vendre au Maine. Maudite machine de sti. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, désolé. Puis c'est ça, là, il nous prépare à l'austérité électrique. Bonjour Mimi. Bonjour Marie. Donc, le Québec, qui n'a jamais manqué d'électricité, qui ne peut pas réellement en manquer, on est en train de se faire conditionner. Pourquoi? Parce que c'est la mode en Europe. C'est tout simplement ça. C'est une tendance. Ouais. Salut, content de te voir, de t'écouter. Ah ben bonjour Robert. Bonjour Philippe. Donc, oui, notre gouvernement va nous mettre à l'austérité énergétique cet hiver, fort possiblement. Or, que je sache, le Québec, c'est hydroélectrique. On est la plus grande expertise au monde en hydroélectricité. On n'est pas affecté par le gaz. C'est pas au gaz que les Québécois se chauffent. Ça n'a rien à voir. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de la manipulation. C'est épouvantable. Ce bonhomme-là, Fitzgibbon, là. Moi, ouais. Ce que j'ai vu, il nous conseille même de faire notre vaisselle la nuit. Oui. Hey, c'est pas drôle, hein, l'eau chaude, comme si le chauffe-eau, ça fonctionne pas, là. Ben, c'est quoi? Va falloir se racheter des réservoirs en cuivre, mettre ça au-dessus des poêles à bois. Ben non, on n'a plus le droit de servir, on n'a plus le droit de brûler de bois quasiment. Ils voulaient plus qu'on chauffe au bois. Ils ont changé les règlements sur ça pendant des années. Puis là, bon, on a. Voyons. En tout cas. Bonjour Marie-Lanie. Malia, bonjour. Valeureux, c'est humiliant. Ben, humiliant. C'est humiliant pour eux autres. Moi, je trouve que Pierre Fitzgibbon, il s'humilie lui-même. Ce bonhomme-là, c'est vraiment une honte. Une honte. Je me rappelle, moi, j'avais des billes dans Nemaska Lithium, puis Nemaska Lithium, ça me disait de m'en aller de ça. Puis lui, il était arrivé, puis il avait déclaré, il dit, ça va se faire, inquiétez-vous pas, blablabla. Savez-vous combien j'ai perdu là-dedans? Je vais tout le temps m'en rappeler de Pierre Fitzgibbon, comme un des pires crosseurs qu'on n'a jamais eu. Je veux dire, c'est rire du monde de même, là. Là, il veut quoi? Il veut nous couper l'électricité l'hiver. Au Québec. Puis il dit, moi, j'ai vécu en Chine, puis il fait froid. Hey, où ce que je vis, des fois, ça descend jusqu'à moins 40. OK? Et t'arrêtes de chauffer pendant une demi-heure, une heure, puis les tuyaux sont gelés. Quel imbécile, cet homme-là. Mais que font les lobbies des énergies? Fait qu'à fond, sont au gouvernement. C'est eux autres qui mènent. C'est des lobbyistes. Notre gouvernement, comme partout. Fait que bon, ils vont gérer ça pour Montréal sans se soucier des régions. Notre réalité n'est pas la même qu'au centre du Québec. Je suis pas sûr, moi. Moi, je me souviens, notre folle de la sécurité publique, là, Guilbeault, quand elle était à la sécurité publique, il y a un journaliste qui avait posé la question. Il dit, est-ce qu'on va pouvoir, je veux dire, comme quelqu'un qui sort sur le pas de sa porte, fumer, des choses comme ça. Non, ce ne sera pas permis. Ah ouais, ben moi, pendant tout le confinement, je me suis privé de rien. Je suis pas resté enfermé. Je sortais tous les jours. C'est pas vrai que ces idiots-là vont nous enlever le sens des réalités. Il n'y en est pas question. Puis bon, c'est bien dommage, mais je savais qu'il n'y a pas un policier qui m'aurait arrêté pour ça ici. Impossible. Donc, bon. Bonjour Anaïs. Ah, bonjour Chanyan. Donc, oui, Pierre Fitzgibbon, il nous prépare à l'austérité énergétique, puis il n'y a aucune raison, le contexte ne s'y prête pas, ça n'a aucun sens, ça ne se tient pas. Ça se tient pas. Puis les médias sont complices de cette énième manipulation. C'est vraiment de la menterie puis de la manipulation. Non, c'est un petit peu cette espèce de prétention-là qu'à vouloir éduquer les gens, comme si, bon, non, c'est le contraire, là. Il va falloir que les gens éduquent ces gens-là. Prenez ce qui est en train d'arriver par rapport, là, en Chine, les autorités reculent. Et ça me fait de la peine. Les règles zéro COVID extrêmement drastiques devraient rester en Chine. Pourquoi? Parce qu'en reculant, ils calment les populations, puis comme ça, possiblement qu'il n'y en aura pas de révolte à large échelle. C'est de la manipulation. Ils laissent du lousse, ils mettent du lousse dans un cordeau. Moi, j'espérais qu'ils allaient continuer dans leur folie, qu'ils allaient pour que ça finisse par. Ben non, aujourd'hui j'apprends que les Chinois relâchent les règles. Ils ont peur du monde. Ils ont peur de la population. Ben oui, mais la population ne se révoltera pas, là. C'est terrible. Avec un projet de loi costaud, tout peut faire peur encore, pour faire peur encore moins. Tout pour faire peur. Ben oui, c'est toujours comme ça. Bonjour, Denis Solange, Richard Jordan. Oui, ben là, ce qui arrive, c'est que possiblement que l'hiver va être très, très différent de ce qu'on pense. Puis bon, ça, j'imagine que c'est pour cette année. Bonjour Martin. Donc, bon, Pierre Fitzgibbon, puis son austérité énergétique, il va manger de la marde. Je veux dire, les gens, là, ça commence à toucher plus loin un peu. Aussi, bonjour Max. Aussi, qu'il nous le justifie. Le contexte ne le justifie pas. On n'est pas en France, là, on n'est pas en Allemagne, là. Donc, ça ne marche pas. Hey, on a parmi les plus gros barrages, le plus gros réseau hydroélectrique au monde. C'est quoi, là? Il veut vendre l'électricité quand ça va éclater l'autre côté des lignes. Il veut vendre l'électricité aux Américains. On en vend de l'électricité, on en a surplus. Bonjour Daniel. Donc, Fitzgibbon, non, je veux dire, c'est rare qu'on voit ça. Un pourri de même, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens, ça ne se tient pas, là. C'est tout le temps, ah, il faut nous habituer, là, c'est parce que c'est la nouvelle mentalité, on s'en va vers le nouveau monde, fait qu'il faut nous habituer à, hey, eux autres, ils voient ça comme de la formation puis de l'éducation, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça a rapport avec la nouvelle réalité qu'ils veulent concrétiser. C'est tout. Voyons donc. Ben, exact, aucune raison. Ben non, il n'y a aucune raison. Si ce pourri-là, il nous coupe l'électricité, moi, je vais devenir. Là, ça commence à dépasser les bornes, là. Tu sais, je veux dire, peut-être dans le temps que j'avais encore j'avais une forêt avec du bois. Puis que les jeunes qui ont racheté ma maison, ils ont enlevé la cheminée. Ça, ils chauffent à l'électricité. Gang d'idiots, astie de gang de cave. Vous êtes des astie de gnochons, ceux qui ont fait enlever les poêles à bois pour des. Oh, c'est pas bon pour l'environnement. Puis vous allez voir cet hiver. Vous allez voir cet hiver, vous allez le regretter. Voyons donc, quand vous avez un poêle à bois, vous le gardez. C'est ça qui a sauvé le. Puis qui a sauvé la population. C'est comme ça que la population a survécu. Pas avec des hosties de tête plumée, de buveux de whisky, de mâchouilleux, de bouts de cigares, d'hosties d'Irlandais, d'Anglais, de marde. Bon, je viens de faire un dégât. Ça va toucher les plus frileux qui ont voté pour Legault. Ouais, ça, c'est ça qui est le plus. C'est paradoxal, hein? Moi, je suis habitué de vivre à 13, 14 degrés, mais les personnes âgées là, qui grelottent à 20. Bon, ben, coudonc. Saul, bonjour. Beaucoup de Français n'ont pas voulu de cheminée dans leur maison. Ils en sont fiers. Ouais. Ils vont le regretter. C'est pas intelligent, là. Voyons donc. C'est peut-être la seule façon de se chauffer qui, au fond, qui n'a pas réellement de coût. Je veux dire, vous pouvez aller vous promener, ramasser des petits rondins secs, ramener ça, puis vous allez pouvoir vous chauffer quand même, au moins vous faire à manger. Voyons, c'est même les. Mais pourquoi pas brûler? Moi, je récupérais pas quand j'avais ma maison, je brûlais. Je m'en servais pour alimenter. Bonjour, j'ai du bois bien sec et je m'habitue à vivre à moins de 17. Ben oui, c'est une question d'habitude. Lui, il est là, Fitzgibbon. Oh, j'ai vécu en Chine, puis il faisait froid. Pierre Fitzgibbon, il va me faire croire que lui, en Chine, il n'était pas à l'hôtel. Non, non, il était dans des maisons de paysans. Voyons donc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a dû visiter des maisons de paysans, mais là, il pense qu'il faut qu'on vive de même. Si on est pour revivre comme des paysans, ben au moins qu'ils nous ramènent au niveau de vie que nos ancêtres avaient, puis qu'ils n'avaient pas de frette. En tout cas. Bon. Nous, on tient ça à 19. Ah, bon. Ben, vous savez, même près du zéro, hein, on peut vivre très bien, là, tant que ça ne gèle pas. Mais bon, ça, c'est une habitude. C'est un entraînement presque, là. Puis apprendre à se laver à l'eau froide, oui, c'est faisable. Mais c'est quoi, là? On n'est pas pour devenir des ascètes puis des ermites qui vivent. C'est ça, leur monde nouveau? Eux autres, ils vont vivre en bourgeois. Ils vont se bourrer de cigares cubains puis de whisky irlandais. Puis nous autres, on va être à l'eau chlorée. Puis au pain, voyons, là, le jeu est que Legault veut agrandir le réseau. Oui, c'est vrai, il ne veut pas. Rien ne justifie cette demande d'agrandir le réseau, demande une destruction de notre environnement. Ouais, ben, c'est parce que le réseau qu'on a, il est correct. Ils vont me faire accroire, Fitzgibbon, lui, que cet hiver, ils vont réduire le courant à des compagnies comme Bitfarm, les mineurs de crypto-monnaie qui vont. Avec les contrats qu'ils ont eu avec. Puis bon, bonjour, Richine. Bonjour. Bon, je remarque quelque chose cette année. Je mets le chauffage à la même température qu'à tous les hivers, 22 degrés, mais je dois le mettre à 25 degrés. Il fait froid. Les compteurs limitent-ils? Je ne sais pas. Mais moi, quand il y avait eu les compteurs intelligents, puis que j'avais ma maison, je les avais refusés, puis il fallait payer un supplément, puis j'avais gardé mes vieux compteurs. Là, je suis pris avec des compteurs intelligents, puis je n'ai pas ma maison. Ben, j'ai plus de maison. C'est la pire, une des pires erreurs de ma vie. Bonjour Berthold, bonjour à tous. OK, on va devenir plus résistant naturellement. Ouais, mais selon ce qu'eux autres, ils veulent. Le monde, ils ne vont pas être plus résistants au niveau leur capacité de sens critique. Ça m'écœure. C'est vraiment un feu beauf moyen. Il fallait réparer le système de chauffage. Il y a environ 5 ans et c'est un chauffage à l'eau. Il y en a un qui s'est essayé de nous dire qu'on devait tout enlever ça et mettre des quilles électriques. Vous voyez, là? Ben, c'est bon, les vieux radiateurs à l'eau. C'est même excellent. Vous pouvez même réchauffer votre griot là-dessus. Vous mettez votre chaudron là-dessus, puis bon. Ben non, moi, j'aime ça, les vieux calorifères à l'eau, parce qu'on pouvait mettre des couvertures dessus pour les chauffer, puis après, bon. Mais bon, ce sont des compteurs intelligents. Gros, c'est une façon de parler, là. Régine, on va se refaire marcher les méninges, se remonter les manches et pratiquer l'entraide. Ça va faire le contraire de ce qu'ils veulent, je le sais pas. C'est bien subtil ce qu'ils font. C'est bien subtil, puis c'est bien. Non, non, là, ils sont en train de nous. C'est parce qu'on est en train de se tiers-mondiser, là. C'est ça qui se passe. C'est carrément ça qui se passe. C'est comme nos hôpitaux sont des hôpitaux du tiers-monde. D'ailleurs, le personnel semble issu du tiers-monde. Nos préposés aux bénéficiaires. C'est du monde qui vient du tiers-monde. C'est un réseau du tiers-monde. Puis on est en train de se tiers-mondiser. Puis ce monde-là qui nous ont endettés, qui nous ont fourrés pendant des décennies. Regardez hier, là encore, le monde à l'envers, il y avait Lucien Bouchard qui était là, puis c'était reçu comme c'était un grand bonhomme, ça. C'est lui le premier qui a crissé le réseau de la santé à terre. C'est lui qui a envoyé des milliers d'infirmières en retraite forcée, en retraite anticipée. C'est lui qui a crissé le réseau de la santé à terre, qu'on s'en est jamais relevé. Puis après, il nous a mis potiche marrante, Pauline Marois, il nous l'a mis ministre de la Santé. Puis c'est elle qui a tout crissé le système à terre, sacrament. Puis là, Lucien Bouchard, il était à tout le monde à l'envers. Oui, je ne vais pas appeler ça autrement. Puis il est là encore avec son hostie d'air de patriarche moralisateur, d'hostie de crise d'engin de marde. Puis c'est là, puis ça nous fait la leçon encore. Cet hostie-là, c'est un des pires. J'ai de la haine pour ce bonhomme-là. Vous ne le créeriez même pas. Chris, il est temps qu'il lève les pattes, même s'il en reste rien qu'une, lui, puis qu'il nous calisse la paix. Ça n'a pas de style de bon sens. C'est eux autres qui ont crissé le système de santé à terre. C'est leur faute. C'est leur faute. Puis c'était voulu. Puis il y avait des amanchures par rapport avec le privé, puis des ci, puis ça, puis tout ce qu'il y a eu par rapport aussi les compagnies pharmaceutiques, puis les négociations avec le gouvernement, que les compagnies pharmaceutiques, dès qu'ils font un petit peu de chantage, là, oh, il va y avoir une pénurie de telle affaire, OK, oui, là, ils révisent tout. Puis c'est ça que ça amène des systèmes socialistes, que les médicaments sont payés par le gouvernement. Ça amène de l'hostie de corruption, des lobbyistes, puis du monde, ils prennent le contrôle de tout. Puis finalement, la population, les services à la population servent à graisser des pattes, des vieilles grosses crises de pattes sales, des vieilles grosses crises de pattes sales de mangeux de marde qui se pensent. Ils pensent que le monde a été créé pour eux autres, puis qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Puis, du monde de même, ça n'a pas aucune limite, c'est des hosties de cons. Ils viennent nous faire la leçon, puis le monde en redemande, puis il en redemande. Et Lucien Bouchard, c'est un hostie de mangeur de marde. Il mérite de se faire couper l'autre patte, puis qu'on y fasse manger. Puis l'autre, son ex, là, la Denise Bombardier, qui a passé sa vie à chier sur le monde, puis à mépriser le monde, vieille crise de stock-up pincée, esti, que ça se prend la grande éducation, la grande classe. La grande classe, c'est rien que des vieilles putains, des vieilles crises de putains avec des fesses de putois, puis c'est pour ça qu'ils sont devenus instruites puis intelligentes par activité de compensation. Du monde comme l'autre qui écrit dans le Journal de Montréal, comment qu'elle s'appelle, la grosse face. C'est pas drôle d'être laide de même. Ben oui, mais à un moment donné, il va falloir vous allumer. C'est pas de notre faute si vous êtes grosse, vous êtes laide. C'est pas de notre faute si vous êtes cave, si vous êtes des astis d'innocents. Puis c'est pas à nous autres de compenser pour que vous ayez donc la joie astie de vous pavaner en ce monde, puis de se pavaner, puis de marcher sur la tête du monde, puis de rire du monde. C'est un astie d'élite de vampires, des crises de parasites, de la pourriture. Ils nous ont mis un journaliste ministre de l'Éducation. Ils nous ont mis un comptable ministre de la Santé. Puis vous ne voyez pas? Je veux dire, le monde, il ne voit pas ça. Bien, il mérite ce qui va arriver. Faites-vous qu'ils se la fassent couper, l'électricité. On s'arrangera. Je veux dire, comme il y en a qui disent, bien, peut-être ça va développer une certaine entraide. Mais comme je vous dis, en Chine, en ce moment, qu'ils réduisent leur crise de mesure de débile, moi, ça me fait de la peine parce que ça veut dire que le monde va relâcher la tension puis il n'y en aura pas de révolte. Il n'y en aura pas de révolte. Ils l'ont compris comment ça marche, fait que là, ils mettent du lousse dans un cordeau. Puis la population ne choquera pas. C'est ça, moi, qui me dérange. Puis c'est tout le temps un petit jeu de même, là. Puis finalement, ça dure des décennies, des décennies, des décennies. Mao Tse-Tung, c'est proche de combien de millions, de dizaines de millions de ses concitoyens sont morts par sa faute, puis par leur crise de décision d'imbécile. Leur crise de décision d'imbécile, que dans le fond, le but, c'était rien que de faire des purges. Puis les paysans, encore, quand dans leur crise de maison, que c'est des crises de cabane à chiens, ils ont le portrait de Mao sur le mur. Puis ils ont remplacé le culte des ancêtres par le culte de ce monde-là. Puis on est en train, jusqu'à un certain point, de vivre la même folie, mais à une autre échelle. C'est pas normal qu'on admire du monde comme Lucien Bouchard. C'est pas normal qu'on accepte de se faire faire la leçon par du monde comme Denise Bombardier. C'est pas normal que du monde comme Richard Martineau vienne à la télévision dire « Ben moi, quand je reçois pas des courriels haineux, parce que lui, c'est pas haineux, il dit, ben je pense à tous ceux, la majorité, qui pensent comme moi. » De quoi tu parles? De quoi? Puis il est obligé de s'inventer de l'amour puis un public hostie pour se valider son existence. De crise de grosse larve immonde, grosse Christie de larve immonde, c'est une grosse crise de cochonnerie suintante. Il y a de la misère hostie à se tenir droit. Je le regardais hier, on a, de profil, on aurait dû le bossu de Notre-Dame. Quand que quelqu'un a une apparence aussi repoussante que ça, habituellement, c'est parce que jusqu'à un certain point, c'est un symptôme externe de quelque chose d'interne. Quand que ça a l'air d'un tas de marde, quand que ça sent comme un tas de marde, quand que ça parle comme un tas de marde, ben Christ, c'est un tas de marde. Puis, ce monde-là, qui sont vraiment du monde méprisant, puis j'irais même jusqu'à dire, ils ont ça une certaine espèce de jouissance. De jouissance, alors que je ne suis pas capable. Puis là, Pierre Fitzgibbon, ben il vient de faire dans ses dernières erreurs. Il vient de faire dans ses dernières erreurs parce que cet hiver, le monde, à un moment donné, il y en a qui vont allumer encore plus. Parce que du monde qui ont faim puis qui ont frette, des fois, ben le sang, il va quitter certains organes puis aller un peu plus haut. Puis là, tout d'un coup, la caboche, elle allume. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes de survie. Ils veulent mettre le monde dans des états de survie, ben ils mettent leur propre vie en danger. C'est pas tout le monde qui est faim. C'est pas tout le monde qui est sain d'esprit. Fait que bon, ils peuvent bien avoir des chauffeurs puis se promener en limousine puis envoyer des employés de maison faire leur épicerie. Regardez ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Il y a une infirmière, ils viennent de la condamner. Mise en danger de la vie d'autrui, coups et blessures, blablabla. Savez-vous ce qu'a fait cette femme-là de si grave? Elle a décidé qu'est-ce qu'elle injectait, c'était de la solution saline. Puis elle n'a pas injecté, elle n'a pas injecté rien d'autre au monde. C'est 8 400 personnes peut-être qu'elle a préservé la vie, la santé puis la qualité de vie en leur injectant de l'eau saline. Puis là, il la traîne devant un tribunal, puis elle va être condamnée, puis elle va peut-être faire de la prison. Ben moi, je vous le dis, dans 5 ans, peut-être c'est la foule qui va la tenir comme une héroïne. C'est héroïque, ça. Les infirmières, c'est pas toutes des potiches, hein? Comment ça s'est su, ça, je le sais pas. Mais il y a du monde qui ont été chanceux de tomber sur elle. Bon, je n'ai manqué une coupe, là. Bien de la misère avec tout ça. Pouvons-nous agir sur la forme ou avant qu'elle ondule et nous traverse? Je sais pas. C'est pas une mauvaise chose que ça nous traverse dans le sens que, vous voyez, là, je suis pas de bonne humeur. Ben ça me donne l'énergie de... Ouais. J'ai fait à manger dans la cheminée de la salle à manger avec une marmite norvégienne noire en fonte comme à l'ancienne. Ah oui. Moi, j'étais bien jaloux... Vous vous souvenez, là, Maïté, elle avait un autre. Elle avait une crémaillère, puis un autre. J'ai tout le temps voulu une cuisine. Non? Vraiment, couper l'électricité, c'est du délai de la limite de la paix. Oui, surtout au Québec. Hey, on est au Québec ici, là. Là, il fait doux, là, mais bon. Moi, je m'en doute. Ouais. L'hiver va arriver d'un coup. La Chine, c'est le blueprint de ce qui se prépare, c'est ça. C'est ce que je pense aussi, c'est un laboratoire. Ah oui, vous regarderez, j'ai mis dans la description, j'ai mis le dernier entretien j'ai eu avec David Lévesque. Puis, bon, on parle de quoi? On parle de l'espèce de doctrine manipulatrice que depuis des décennies, ben depuis en fait le 19e siècle, on veut nous rentrer dans la tête par rapport à la surpopulation. La surpopulation. On régule ça comment, de la surpopulation? On en fait à du monde cynique, là. On régule ça comment, donc, de la surpopulation? Faut avouer à demi-pardonner? Non, non, non. Hey, s'il y a des eugénistes qui veulent réduire la surpopulation, ben commencez donc par vous autres, calice. Suicidez-vous, tabarnak, puis crissez-nous patience. Moi, en tout cas, si on veut régler de la surpopulation, je suggère de commencer par ceux qui ont eu l'idée. Puis on verra après. On verra après ce qu'on fait. On lui manquait une coupe dans le visage de Laurent. Oui, je savais que je devais écouter. Ben là, ça ne changerait pas grand-chose. Richard Martineau qui écrit un texte disant qu'il se faisait siphonner par tous ses orifices et le soir même, il se rend à la soirée avec l'ego Valérie Plouin. Ben oui, c'est du show. On n'a pas le droit au traitement de M. Quinton alors que c'est intéressant. J'en ai, moi, du sérum de Quinton. J'en ai un stock. Mais bon, pour l'administrer, être veineux, là, ça devient autre chose. Hein? Bravo à cet effet. Ben oui, c'est extraordinaire. Ils habitent tous dans la même région, ces donneurs de leçons. Ah oui, ils sont tout à Outremont. Martineau, je le sais, il est où? On a même on a toutes les adresses de tout le monde. Heureusement qu'on est fin, mais on a des carnets d'adresses. Mais il reste que dans le temps qu'il y avait eu des manifestations, puis il y en a qui étaient allés manifester devant la maison d'Arruda. Ça, c'est intéressant. C'est moins ridicule que d'aller marcher dans le centre-ville ou je ne sais pas. Là. Tu sais, en tout cas. Ben oui, commence. Ben oui. Très bon sujet à aborder, la surpopulation. J'ai écouté la moitié, je pense, comme vous. Moi, j'ai écouté les trois quarts. Ben, c'est des sujets lourds. Hein? Les parents de Schwab sont les premiers à avoir popularisé l'idée de la dépopulation. Je ne sais pas, c'est assez vieux. Déjà au 19e siècle, il y en a qui... Bon. Vous savez, c'est un Américain, il me semble, un protestant, bien sûr. Je me rappelle plus dans quelle gang. Lui, il avait fait un dessin avec des courbes pour montrer les dangers de la surpopulation. Puis c'est les mêmes conneries que Bill Gates y sort. C'est vieux, ça, là, ces modélisations-là. Hey, ça date du temps que le monde avait encore des redingotes avec des collets de velours. Là. À un moment donné, là, j'ai fait du boulot à la maison de Pierre Arcan. Ah oui, dans Ville-Mont-Royal, supposément que la majorité du parti est dans ce quartier. Ah, ça se peut. Ce que je sais, c'est que ça vient tout de l'île des génies. Hein? Ça vient tout de l'île des génies. De Montréal, qui est l'épicentre de... Ouais, c'est notre point. C'est notre point de l'astral, comme New York en est un, comme toute la Californie. Ça suit toute l'affaire de San Andreas. Toutes les sectes se regroupent là. Allez voir où... Regardez certaines montagnes. Choco à Sarawa, à Aum Shinrikyo, qui avait installé les installations de sa secte de malade au pied du mont Fuji. Il n'y a pas encore eu d'études par rapport à certaines structures telluriques puis certains comportements humains, certains attraits que les humains ont à aller se mettre... Bon, anciennement, c'est parce que les flancs des volcans étaient très fertiles. C'est pour ça que Pompéi a été bon. Mais il n'y a pas juste ça, là. Puis moi, je commence à m'en avoir plein le cul de Montréal. Puis ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais c'est cette maudite... C'est comme, j'aurais pas dû, j'ai vu ça, j'ai entrevu ça hier, Le Monde à l'envers, là, avec... Vraiment, Stéphane Bureau, c'est rendu une putain. C'est rendu une putain. Là, hier, la gang était là, on parle de nos salaires, est-ce qu'on dévoile nos salaires? Hey, Stéphane Bureau, t'en as pas de salaire, t'es pas un ouvrier qui punch à l'usine, c'est un cachet que t'as reçoit. C'est des cachets que vous avez, vous faites pas de différence entre un cachet et un salaire. Entre des honoraires et un cachet, ou peu importe, là, mais ça ne marche pas. Vous, c'est tous des cachets que vous recevez. Puis ça, un cachet, c'est la même chose qu'on donne à une putain. Moi, j'appelle ça un cachet. C'est un cachet pour sa prestation artistique. C'est, vous êtes des artistes, des astis d'artistes, des tartistes, dans le sens que blablabla. Mais Chris, il n'y a jamais rien de concret. Puis vous n'êtes rien capable de débattre d'une façon qui n'est pas intelligente. Des crises de niaiserie. Même on n'est pas couché en France, c'est mieux que vous autres. C'est tellement de la merde. J'avais honte. J'avais honte d'écouter ça hier. Puis là, Louis T. Calice de Chris de Saint-Cyboire d'Asti. Ils sortent d'où, Chris? Vous sortez d'où? Ils sont là de dire, ah oh, ben, Bill Gates, c'est un génie. Ben oui, il est là, en commission, là, puis il se balance de même comme un rabbin. Il se balance de même comme un rabbin. Êtes-vous tous possédés, Chris? Vous êtes là, ah ben c'est parce que c'est un autiste Asperger. C'est toutes des hosties d'inventions. Puis vous ne me ferez pas avaler que ce monde-là, c'est des génies, comme Bill Gates, Elon Musk. Puis là, on est pris avec cette hostie de race-là qui vient d'être inventée. Louis T. Lui, il n'a pas eu peur de dire son salaire, c'est pas un salaire que tu perçois, c'est des cachets que tu perçois parce que tu es un hostie de tartiste. Un salaire, ça, c'est comme un gars qui va à l'usine pour travailler, nourrir une famille. Vous autres, vous n'êtes rien qu'une gang de style bourgeois, dans le fond. Hein? Puis, vous prenez vos loisirs pour des métiers. Voyons donc, vous êtes payé pour vous amuser. Puis, rire du monde, comme Guy Nantel. Chris, c'est ça, sa job, Guy Nantel, c'est de rire du monde. Tous les prolétaires, puis le peu de classe moyenne qui nous reste. Puis regardez, je fais des vox pop. Regardez comment les gens sont ignorants. Puis je suis sûr que quand ils tombent sur un brillant, ils ne le mettent pas dans le montage. Pourquoi? Parce que là, il doit avoir l'air d'un asti de cave, Guy Nantel. D'un crise d'asti, gang d'asti d'hypocrite du tabarnak. J'en ai plein le cul de me faire faire leur leçon par votre asti de race. Votre asti de race de débile. Puis l'autre, Louis T, tes histoires, là, que... Toi, ah, moi, je suis aspi, autiste Asperger, comme Elon Musk puis Bill Gates, les génies qui sont en train de révolutionner la société puis qui ont tout le temps amené des innovations. Puis c'est tout de l'hostie de bullshit, c'est toutes des inventions, c'est des étiquettes que vous vous inventez, Chris, puis après, vous vous conformez inconsciemment à votre étiquette parce que vous n'avez pas d'identité, vous êtes vide puis mort par en dedans. Puis ça sent ça. Puis Louis T, Chris, comme humoriste, t'es vraiment pas drôle. Hostie, qu'il n'y en a pas un hostie qui est drôle. Il est parfait. Tu sais, je veux dire, depuis quand, Chris, que les autistes, c'est du monde qui ont un sens de l'humour extraordinaire puis qui font rire tout le monde. Ils font rire d'eux autres, mais ils font pas rire les autres. C'est pas pareil. Voyons donc. Tu sais, moi, je viens... C'est de... Je vais me calmer un peu. J'ai juste une demi-heure de fête. Le génie de la lampe. Ouais, le génie de la... C'est comme une lampe qui projette des ténèbres, là. C'est des génies de trou noir. Mais, en tout cas, des comédiens, tous des comédiens, il faudra leur faire visiter la vraie vie un jour. Ben, la vraie vie... Un jour, ça va sortir que c'est... Bon, peut-être. Il y a des impostures qui n'ont jamais sorti au Québec. Puis quand ça meurt, après, on s'estime à savoir si on fait des funérailles nationales à ça. Donc, regardez, mais que Lucien Bouchard meurt. Le monde va dire que c'est un grand bonhomme de l'histoire du Québec. Regardez comment ils sont tous à remoncher le cadavre de René Lévesque puis à dire que ça goûte bon. Il y a bien des affaires qui n'ont jamais sorti. Puis on est dans le monde de l'imposture totale. C'est épouvantable. Musk n'a aucune innovation à son nom. Ben non! C'est des parasites puis des vampires. C'est l'art d'être capable de prendre les brevets des autres puis de prendre un autre brevet. Puis oups, on va dire... C'est tout, là. C'est... En tout cas, je travaille avec des personnes autistes. Et ce ne sont pas les gens qui ont le plus d'humour. Et voilà. Comment ça se fait, c'est rendu? On a des humoristes qui se disent autistes. C'est de l'esti de bullshit, j'y crois pas deux secondes. C'est des personnages que je fais pour avoir du capital de sympathie. Puis en plus de ça, on dirait qu'ils n'ont pas aucune notion de décence. Ceux dans le monde artistique qui ont des enfants avec des troubles cognitifs de ce genre-là ou des problèmes nerveux, ils nous les mettent en pleine lumière pour se faire du capital de sympathie. Puis on nous impose ça. Comme la fortune, là, je commence à être tanné, moi, de voir le garçon un peu partout. Hey, ayez un peu de décence, puis laissez donc essayer d'y avoir une vie plus normale, stable. Je pense pas que c'est indiqué de l'amener sur des plateaux de tournage. Il y a de quoi qui marche pas, là. En tout cas, tu sais, tu m'as battu des fois. Le divertissement, c'est pour se détourner du réel. Ben, c'est le mot le dit, divertissement, diversion. Donc, Musk est un Greta tout jeune. Il passait à la TV. Ben oui, c'est du monde fabriqué. C'est des personnages. C'est pas réel. C'est du monde qui ont été formés, qui ont été fabriqués. Puis, dans le fond, c'est des héritiers. Prenez Bill Gates. Ses parents, c'est qui? Il est pas venu. C'est pas vrai que c'est un génie qui a commencé dans le garage de ses parents. Puis, voyons, osez me faire croire que ce gars-là, c'est un génie. Ça marche pas, là. Il veut nous faire manger notre marde. Puis même le gouvernement ici, ils doivent l'adorer, parce que c'est rendu qu'on importe de la marde du Maine pour mettre dans les champs. Il y a quelques années, ils faisaient ça en Corée du Nord, ils mettaient des excréments humains pour fertiliser. Puis là, tout le monde, c'est un scandale, là, ça se fait pas. Puis certainement que ça se fait pas, il y a de quoi de contre-nature là-dedans, de la même façon que ça se fait pas de donner de la viande à manger une vache. Mais non, on n'est pas capable d'en produire, premièrement, de la marde. Chris, c'est on importe ça du Maine. Toutes les toiles, tout le Maine qui se déverse, toutes les marques se déversent déjà dans les maritimes. Ils nous en importent déjà en masse dans le Maine. Pas besoin de. J'ai connu. Bonjour, Laurine. Je suis à ce point où, quand je vois le nom d'un artiste qui décède, je me dis une vidange de moins. Bon, ben, bienvenue dans mon monde. Mais ça, c'est des affaires, j'ose pas dire. Je fais attention à ce que je dis. Mais il reste que moi non plus, ça ne me fait pas un pli. Ça ne me fait pas un crise de pli. Hey, du monde, c'est des grands personnages. Du monde extraordinaire. Denise Filiatro, la grande metteur en scène. Denise Filiatro, elle a commencé sa carrière en dansant comme une gogo dans des clubs qui appartenaient à Cotroni puis la mafia. C'est. OK? Fait que là, à un moment donné, là, ça va faire. Puis c'est ce monde-là qui éduque la population. On a éduqué le Québec, on a remonté le niveau. Hey, vous êtes un ramassis de bandits puis de putains. Puis ça ne donne rien de nous faire accraire le contraire, on le sait. Bon, on est au courant. Je veux dire, ça se parle, hein, ces choses-là, ça finit que ça se sait. Même, elle avait amené Dominique Michel pour danser dans un cabaret de Cotroni, puis elle s'était déguisée en petite fille. Elle s'était déguisée en petite fille, puis là, elle dansait les cuisses à l'air. Bergerette, Bergerette, quand reviendras-tu? Trouvez-vous ça sain? Ça n'a aucun sens. Hey, la Montréal, ville ouverte. Il aurait pu appeler ça ville et quartier. Montréal, le red light, puis c'est dégueulasse. Bon, tout ça change pas. Ça a tout le temps changé. J'ai connu un artiste peintre qui exposait en galerie, il a touché 25% sur les ventes de ses tailles. 25%. C'est l'agent d'habitude qui fait 13%. Puis le reste va. Voyons, là. C'est drôle. Aspergus Gates, ben, c'est peut-être pour ça qu'il. Bon, il a l'air d'un asperge, un petit peu, là. Bonjour, Lionel. Préfabriqué, ben oui. Bonjour, Laurence. Les politiciens sont des acteurs, les acteurs sont des agents, les journalistes, des clowns. Il faut vraiment fermer la boîte à images. Ben, c'est parce que d'un autre côté, le fait de revoir ça de temps en temps, ça me reste comme une piqûre de rappel, hein. Bernard Drainville qui est rendu ministre de l'Éducation. Ça, on est dans l'indécence totale. Des journalistes vont en politique, après politique, journaliste, ça couche tout dans le même lit. Il n'y en a pas de séparation avec le quatrième pouvoir. C'est tout. C'est de la mafia, Chris, c'est ça que c'est. C'est du monde interlope. C'est toute une gang de styles d'hypocrites et de pourris, puis c'est malhonnête au bout. Puis c'est gratte-moi le dos, je vais le gratter le tien. Puis c'est rien que ça. Puis ils sont encore lisses du monde. Ils sont encore lisses du monde. Ils sont comme des courtisans dans le temps, là. Dans le temps de Louis XIV, là, qu'ils se mettaient des perruques à grappe, puis ils se poudraient, puis c'était de paraître, là. Puis ils arrivaient à la porte, là. Puis là, faut cogner à la porte avec le dos de l'auriculaire de la main gauche, là. Touk, touk, touk, touk, bonjour. Ah. Gang de petites crises de perruches. C'est encore ça. C'est encore ça. Tellement que je trouve la compagnie du Saint-Sacrement quasiment plus respectable que ce monde-là qu'il y avait dans le temps. Puis qu'il était, je veux dire, c'est une gang de manger de cul. C'est désolé, mais c'est ça. Aujourd'hui, là, je veux dire, c'est devenu. Ça s'est amplifié dans le fond. Je suis resté exactement pareil. C'est les techniques de manipulation, tant qu'à moi, qui se sont sophistiquées. C'est devenu très, très, très sophistiqué. Puis là, on nous ramène codeur. Tout du monde qui devrait être brûlé. Je parle brûler dans le sens qu'il ne devrait pas avoir de crédibilité, pas dans le sens des mettre dans le poêle. OK? Coupe le corps, comme dirait un zoophouin, ben lui, là. Hey, lui, il est branché en tabarnak, c'est rendu que Dieu lui parle. Ah ben là, tu viens de faire ta dernière erreur, mon esti de crétin, esti de manipulateur, de cabochon, de manger de marbre. Dieu te parle? Tu vas nous faire craire ça, toi? Toute la marde des poignées, il pète sa coche à Gatineau, il y a un paquet de plocoupes, convention, convocation d'urgence du noyau de pêche. Puis là, oh, Dieu me parle. Tu viens de faire ta dernière erreur, hostie de cap. Drette-là, Dieu te parle? Mon trépompe, oui. Hey, maudit gnochon. Lui, le câble, il n'aurait pas dû couper ça, il aurait dû l'accrocher à un montant de sa grange. Hein? Dans le fond, là, tant qu'à faire, là, ça aurait fait moins de dommages. Une gang de... Ouais. Les artistes sont des fous du roi. Ouais, je sais pas. Non, c'est pire que ça, c'est des mercenaires, c'est des courtisans. Le fou du roi, lui, au moins, il donne une certaine immunité, puis des fois, bon, il y en a un, là, un fou du roi qui avait ri d'une des maîtresses de François Ier. François Ier, il a du bon savoir-faire, là, c'est la dernière fois, là, t'es allé trop loin. Moi, je te condamne à mort. Mais comme je t'aime bien, je vais te laisser le choix de ta mort. Puis là, le nain, c'était ce fou du roi-là, c'était une personne de petite taille, puis c'était la mode dans ce temps-là. Puis même avant, puis il avait dit, ah, ben, votre majesté, je choisis de mourir de vieillesse. Puis François Ier avait trouvé ça tellement drôle que ça lui a été accordé. Ben oui. Bon, selon moi, dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, c'est déjà de la spiritualité. Là, je suis pas tout à fait d'accord, là. Mais bon, les artistes, oui. Et la pédophilie de la drogue, il y en a en masse. Ben, t'as-tu pogné ça? En Thaïlande. Les autorités, ils rentrent dans un temple bouddhiste puis ils disent « Bon, on va faire passer des tests pour la drogue. » Toutes les moines étaient sur la méthamphétamine. Toutes! Là, les villageois, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout été arrêtés. Puis là, il n'y a plus personne pour faire les services religieux. Ben oui, mais là, vous vous imaginez quoi? C'est ça, des clergés. Puis bon... Un qui l'avait bien compris, c'est Paracelse. C'est parce que quand il était amené dans des monastères pour, comme médecin, c'était toutes des maladies vénériennes qu'il y avait. C'est là, il s'est mis à leur donner de l'arsenic pour voir ce que ça ferait, puis il mourait. Fait qu'on a appelé ça de l'antimoine. C'est le fun, hein? Je veux dire, bon, tu sais, je veux dire, Paracelse, bon, je critique certaines affaires, mais il reste que c'est pas juste un personnage ambigu. Il a amené des... Bon, ben là, pour de toute façon, au point où on en est rendu, vous savez, la plupart des maladies mortelles sont incurables, puis les autres se guérissent toutes seules d'elles-mêmes. Donc, la médecine puis la politique aujourd'hui, mais ça, c'est le pharmacochimique. Puis... En tout cas, bonjour, j'adore ça. Le vote de Legault trouve ça normal et éthique d'admettre des journalistes comme ministre. Ben oui. Pas les réseaux sociaux, mais les réseaux... bon, ma connexion est instable. OK, c'est revenu. On est tanné de se faire prendre pour des crises de cons. Ben, je sais pas. Ça continue de plus belle. Vous savez, c'est quoi le problème? Des crises de cons, il y en a une majorité. Fait que les autres sont obligés de subir. Donc, bon. Cette folie est trop poussée de l'avant. Pour que... Pas que ce soit... soit prévu après le chaos, la nouvelle religion, ce qu'ils font présentement, c'est de futures archives pour l'État qui y est. Ouais, moi tout, je pense qu'ils sont en partie, ils sont en train de ficher, là. Ben oui, mais ça, c'est comme Staline dans le temps qui dit « Exprimez-vous, donnez votre opinion, puis blablabla. » Ouais, ben là, après, par contre, tout le monde est fiché, puis on sait, bon, il y a une méchante gang qui sont partis au goulag. Comme Mario Dumont qui m'a envoyé du monde au coulac, ça. Hein? C'est quoi là, de tenir des discours de même au monde? Mario Dumont, ça devrait être brûlé, ça, dans le sens, ça devrait pas avoir aucune crédibilité. De toute façon, tant qu'à moi, il n'y en a jamais eu. Il était député de Rivière-du-Loup, puis je le trouvais idiot. J'étais pas capable. Fait que bon, il voulait donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans. Voyons. C'était peut-être le seul moyen pour lui d'avoir des votes. Mais assez pour. Bon. Ça fait. Bon, salut à tous, ça fait du bien. Arrêtez. Ça fait 6 mois que je vais à l'usine. Bon. Que je vais à l'usine, quel boss pour m'en sortir. Alors, bibille, selon tout de comme tu dis. Par ça, niveau sphère du pétrole, ça bouge. Je ne sais pas quoi dire, c'est un peu comme décousu. C'est de la spiritualité, car cela appartient à un registre où l'homme s'adresse à l'homme en usant du connu pour se relier amicalement. Ça, là, c'est un petit peu exagéré. Là. Dans le sens que, ben là, il faut se servir de la forme. C'est normal qu'il y ait des convenances. S'il n'y a pas de convenances, ça va être quoi, là? Allez voir dans le coin où il y en a plus aucune, dans des coins où il n'y en a plus aucune politesse, puis le monde y trouve tout ça de la mort. Je veux dire, des racoins, là, par exemple, là, des quartiers ouvriers pauvres, là. Puis vous allez, ça va vous manquer. Juge et journaliste, ça picole dans des chalets, des cantons de l'Est. Ouais. Moi, dans le temps, quand il y avait des réservations, puis c'était des, par exemple, des cabinets d'avocats ou. Je le savais que la journée serait longue parce que ce monde-là, ils sont pas du monde. Plus vous montez en société, plus que les parties sont dégueulasses. C'est. Bonjour, tu es tôt ce matin? Ben, le samedi matin, je fais tout le temps ça. Bug? Ah ouais. Bonjour, tu es OK, ça va? C'est revenu. Bon, OK. De toute façon, je vais cesser bientôt, là. Faut que je passe la mop à côté de moi. Canton de l'Est. Ouais. Vous savez, dans mon coin, il y avait. Dans mon coin, il y a beaucoup de petits villages qui portent des noms d'anciens régiments. Des anciens régiments français du temps de Louis XV. Puis les gens de la région, ils s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est parce qu'il y a du monde qui ont été des colonisateurs de ma région, qui étaient réfractaires à certaines mentalités qui se développaient ailleurs. Puis, ils ont choisi de donner des noms de régiments du temps de Louis XV à certaines villes, certains villages. Puis, c'est plus tard que j'ai plus compris. À un moment donné, bon, il y avait un bonhomme bien intéressant, le notaire Godbout. Le notaire Godbout, à un moment donné, j'étais allé étudier dans une ville, puis lui, il était dans la société d'histoire de cette ville-là. Puis, c'est lui qui m'a fait remarquer ça. Qu'il y avait des noms de vieux régiments de l'époque de Louis XV qui existaient, que c'était le nom des villages autour, puis j'étais bien surpris. Puis lui, il me l'a expliqué, dans le sens que il dit, chez les notables, puis tout, il dit, ils sont pas tous, on n'est pas tous d'accord. Là, je veux dire, ils s'entendent pas tous, là. Puis remarquez que le notaire Godbout, c'est un notable, puis il était... je veux dire, contre cette espèce de mafia-là, on va appeler ça toute sa vie. Tellement qu'il en était, en tout cas, mais par rapport à d'autres notaires, puis il était extrêmement aimé. Les gens le respectaient. Tandis que du monde comme Pierre Fitzgibbon, puis bon, c'est pas du monde, ça. C'est pas des hommes, ça. C'est pas du monde, tant qu'à moi. C'est des hosties d'arrivistes, d'opportunistes, puis des mafieux. Moi, je le vois de même. Puis, si jamais on m'accusait de comment je pourrais dire ça, de calomnie, genre, comme si j'étais en train de diffamer, ben ça me ferait plaisir d'aller en cours expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas de la diffamation si on peut le démontrer. C'est pour ça que il y avait un avocat, l'avocat qui était l'avocat du magazine Crow. Il avait expliqué au BDiste, il dit, vous pouvez prendre un politicien puis le dessiner en train d'enculer un mouton. Ça, là-dessus, en tant qu'avocat, je peux vous dire, vous n'aurez jamais de problème. Puis, mais il dit, par contre, il y a des petits détails, si vous insinuez, puis tout, là, on va se faire poursuivre. Puis les BDistes disaient, comment ça, c'est une affaire de même? Ben, Il n'y a pas un politicien qui va vouloir aller en cour en disant c'est de la diffamation, je n'encule pas des moutons. Pourquoi? Parce que c'est bien trop. Bon. En plus, c'est un peu ça la job de politicien. Fait que, bon. Mais il reste que c'est comme si vous restez sur une ligne, vous êtes en danger, vous la dépassez, vous pensez que ça va être plus, vous allez être encore plus en danger. Non, non. C'est l'autre côté, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux de tenir certains propos qui semblent extrêmement durs, extrêmement graves, parce que personne ne va oser vous attaquer en diffamation pour ça. Par contre, d'autres propos beaucoup plus nuancés peuvent vous faire des problèmes. Donc, à un moment donné, c'est quoi que tu bois dans ta mug? C'est du café. J'aime la politesse, la valeur cardinale de l'islam d'après Mohammed et la pudeur comme celui du christianisme et la bonté dans le soufisme, la contenance est primordiale pour avancer. Oui, mais ça, l'affaire, vous dites la valeur cardinale de l'islam d'après Mohammed et la pudeur. Bon, on le voit aussi dans le christianisme. Là. Dans le fond, là, je veux dire, c'est fait partie des religions abrahamiques. Mais prenez... la pudeur, prenez la secte des Quakers. Les Quakers, c'était des gens extrêmement, extrêmement pudiques. Même être plus pudique que ça, c'est difficile. Et c'est surprenant, des Quakers. Il y a des Quakers, ils ont mangé presque juste des flocons d'avoine, puis mâché des oignons secs presque toute leur vie, puis ils vivaient passé 80. C'est spécial, hein? Mais la plupart des Quakers ne voulaient pas faire d'enfants. C'est pas tout, là. Mais il reste que ça a perduré pareil un bout de temps. Il y en a encore des Quakers. Bon, ils doivent pas arrêter bien, mais bon. Mais ça, c'est des gens très, très pudiques. Mais le problème avec la pudeur, c'est que ça peut être de l'hypocrisie. Prenez la sophistication de quelqu'un comme Denise Bombardier. Moi, je trouve ça indécent. Au sein des saints. Pourtant, bon, en tout cas, pas de convenance bas astral, beaucoup de convenance haut astral, loin. Mais il y a des convenances à l'envers, si on peut dire. Parce que, bon, si vous prenez certaines affaires qu'on voit dans certaines sous-cultures, c'est des convenances à l'envers. Donc, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur le couple? Peut-on vivre sereinement sans être en couple? Ben, ça dépend, c'est du cas par cas. Il y a du monde que c'est le seul moyen qu'ils vivent sereinement, c'est seul. Il y en a d'autres, c'est en couple. Mais c'est du cas par cas, vraiment. Ça dépend du profil psychologique, ça dépend si le couple est bien assorti ou pas. Mais bon... Mais dans l'islam, la pudeur fait partie de l'essence de la religion. Dans le christianisme, c'est un peu plus périphérique. Je ne suis pas sûr, là. Ça dépend tout le temps de la façon dont vous interprétez les textes. Non, non, moi, je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il dit sur l'impudicité dans les vieux textes fondateurs du christianisme? Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, je veux dire, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Pourquoi est-ce que les moniales étaient habillées avec le voile? Puis bon, c'est certain que, bon. La lecture de vos entretiens après l'écoute, c'est très intéressant. C'est comme une résonance de vue encore plus claire. Ah, c'est vrai, j'avais... Mais non, non, moi, je vois pas l'islam comme plus pudique que le christianisme. Même d'ailleurs, bon, les soufis, ok, bon, c'est intéressant. Mais bon... Ça dépend, là. Si vous prenez, je sais pas, là. Moi, je les trouve pas si pur. Tu sais, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Mais les jeunes musulmans de banlieue, je les trouve pas pudiques pantoute. Forcer sa sœur à s'habiller comme un sac, puis la menacer de coups de poing, ça regarde pas à terre quand il passe un jeune homme qui y parle. Ça, c'est pas de la pudeur, c'est de la stupidité. Bombardier qui parle ouvertement de sa passion des machines à sous dans les shows de variété. Oh oui, les machines à sous, ben ça, de son âge. Elle est aveugle de pouvoir jouer aux machines à sous sans se lever pour aller aux toilettes et rien qu'à se mettre une couche. Dans l'islam, la pudeur est à l'extrême. Je vois pas ça comme de la pudeur. Je vois pas ça comme de la pudeur. je vois ça comme presque comme ce qu'on pourrait appeler de la névrose collective, là. Parce qu'il y en a qui peuvent être tués par manque de pudeur, parce qu'ils manquent de pudeur au sens de l'interprétation d'autres. Puis là, tout d'un coup, il y a des envies de meurtre. Vous savez, je vais vous le dire, là, je vais vous le dire clairement, je pense que la plupart des musulmans ont des troubles sexuels graves, puis qui refoulent leur libido. Puis c'est pour ça qu'ils sont obsédés de même par les cheveux, puis par le poil, puis envoyés. Un petit peu comme El Doc Mayou. Donc, à mes yeux, c'est des activités de compensation, puis c'est de la névrose. À un moment donné, c'est exagéré. Les djellabas jusqu'à terre, là, puis non. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Puis ça sent, hein? Ça sent. Hein? Pourquoi qu'ils veulent de la pudeur à tout prix, puis contrôler, bon, là, ben parce qu'ils refoulent leur libido, puis qu'ils en ont beaucoup. Puis c'est le seul moyen qu'ils ont de la contenir. Donc, ils sont mal éduqués, ils n'ont jamais appris à canaliser ça. Ils peuvent juste l'enfermer dans une boîte. Puis j'aime pas ça, ben franchement, là. Faut pas, j'en dis, je choisis trop d'affaires dans même, je vais être obligé de le couper, le live, je vais être obligé de l'effacer. Un gars, il y a du monde qui part. Ben là, hein. Bonjour Berthold, il fallait que je te contacte, connais-tu? Mise à la terre, un YouTuber extra, il s'appelle J'aime. Il a parlé de toi. Va voir ses vidéos pour te faire une idée. J'en ai pas envie. J'en ai pas envie. J'aime pas la vibration. Je pense que je sais de qui vous parlez, puis j'aime pas sa vibration. Ça m'intéresse pas vraiment. Puis je sais pas, ça se peut qu'il parle de moi, là. Parce que, bon, à un moment donné, il y avait eu quelque chose avec Elodie Annette, puis aussi Trinity. Puis j'ai trouvé ça un petit peu disgracieux comme agissement de sa part. J'aime, c'est lui qui a la tête bleachée, là, il a les cheveux jaunes poussins, là. Non, moi, du monde de même, j'essaie de ne pas regarder le moins possible. Ça ne m'intéresse pas. Il y a déjà assez d'être pris pour écouter des fois la télévision ici, sans en plus le faire volontairement, regarder du monde de même. Non, ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut. Ça se peut que j'aille voir, parce que là, vous dites, bon, je parle, mais dans le fond, ça ne me dit de pas le faire. Ça ne me dit de pas le faire. Puis c'est ça. Dans les métropoles françaises, les jeunes et jolies filles se font accoster. Ben oui, par qui? Par les pudiques, hein? C'est des valeurs de pudeur de l'islam. Oh, dès qu'une femme, elle manque un petit peu de pudeur. Oh, c'est une putain, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est à ça que ça aboutit, là. Cette espèce de c'est de la névrose collective. Désolé, là. Bien dommage, là. Hein? Ouais. Puis là, ils sont pas capables de la proximité. Hein, c'est difficile d'avoir de se contenir, hein, de se contenir. Ça fait quoi, ça? Ça fait de la consanguinité puis des couples entre cousins. C'est ça que ça donne. C'est pas des cultures que j'apprécie, des cultures de refoulement, que il n'y a pas de compréhension de la mécanique au fond. C'est juste par principe. Non, c'est comme ça. Puis bon, ok, parfait. C'est ça que ça donne. Donc, dans les pays musulmans, la pornographie est pas accessible sur Internet. Inquiétez-vous pas, ils trouvent le moyen. Ça change rien. C'est comme je vous dis, eux autres, au lieu d'apprendre à se contenir, au lieu d'apprendre à devenir responsable de ses pulsions, à se contenir puis à se gérer, ils l'enlèvent complètement. C'est pas intelligent, il n'y a pas d'apprentissage de contrôle vraiment, là. Il n'y a pas d'apprentissage de se contenir, là. C'est de la mauvaise éducation, quelque part. C'est bien dommage, mais un jour ou l'autre, il faut être confronté. Faut être confronté au fait que, bon, je veux dire. Toute cette gang de jeunes-là, là, qui ont la libido là, dans le tapis, puis tout, vous pensez qu'ils ne sont pas capables d'en voir de la pornographie, ils savent comment. Vous pensez que des pays comme l'Algérie, le Maroc, puis tout, vous pensez que l'Internet, c'est comme en Chine? Ils sont pas capables de se prendre des VPN russes, puis voyons donc. Voyons donc. Moi, ce qui m'écœure, c'est l'hypocrisie. Ces pays-là, ah, oh, Dans les pays musulmans, la pornographie est accessible. Hey, le monde, ils citent les millionnaires là, comme Jack Lang là, et compagnie, quand ils vont faire du tourisme sexuel dégueulasse. Où ils vont? Où ils vont? Ils vont au Maroc, ils vont dans des places de même. Hey, le style de cabochon, là, Michel Foucault, le grand philosophe Michel Foucault, le concepteur du l'hétérotopie fouconienne, puis blablabla. Lui, il allait au Maroc, puis il violait des enfants au Maroc, puis les autorités étaient au courant. Les autorités étaient au courant. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ça donne quoi qu'on interdit, il n'y a pas de pornographie sur Internet? Hein? Ben non, mais c'est plein de bordel, puis de trafic humain, puis toutes sortes d'autres cochonneries. Est-ce que c'est mieux? Fait que finalement, je veux dire, ça donne quoi? C'est pas mieux qu'ici, c'est pas mieux que là-bas, c'est tout pareil. Ça revient tout au même finalement. Bon. Oui, ils sont accessibles. Ben, j'étais sûr que oui. Voyons donc. Voyons donc. Bonjour Berthold, je me connecte tout juste. Ah bonjour, je m'excuse, là, j'étais un petit peu. La pédophilie aussi. Ben oui, c'est connu en Afrique du Nord. Que, voyons là. Hey, à un moment donné, au Maroc, ils ont une journée où ils ont le droit d'être gays. Une loi non écrite le jeudi, je crois, personne ne dit rien le lendemain. Ouais, là, je sais pas si c'est pour le Maroc, mais je sais que c'est comme ça dans plusieurs pays d'Afrique du Nord. Et, ben oui, tu sais, je pense que c'est le jeudi. C'est vrai, mais. Ben, c'est comme du monde qui ont visité, des fois c'était surpris des gens qui me rapportaient, ils ont visité des pays très austères, très musulmans. Puis c'était rendu qu'ils avaient peur de se promener tout seul le soir. Ils se faisaient faire des avances par tout le monde. Par tout le monde! Fait que, voyez, ça mène où là, la pudeur excessive qui est rien d'autre qu'une activité de compensation, ça mène à de l'hypocrisie. C'est ça, là. Dans le fond, moi, ce que je vous dis, c'est. Les extrêmes, c'est jamais bon. C'est le discernement, c'est un juste milieu. Fait que, bon. J'ai quelques questions, mais je dois aller faire à déjeuner. Ben, moi, je vais cesser bientôt, ça fait 1 heure. Comment discerner un mouvement de l'esprit versus un mouvement astral? Comment discerner si l'esprit use l'astral pour l'intégration? C'est difficile, ça, en temps réel, c'est tout le temps par après qu'on le voit ou pas, mais c'est lié au résultat. Mais dans le sens que, bon, ben, si ça vient de l'esprit, finalement, même si on était contre un mouvement ou qu'on essaie de le combattre, puis tout, finalement, c'est au niveau du résultat. S'il y a une forte intégration, on peut dire que ça vient de l'esprit, on peut dire principe d'intelligence au-delà de l'ego qui nous met en expérience de force pour intégrer des affaires de force. Mais des fois, même les mouvements de l'astral, ça vient de l'esprit, dans le fond. Il y a du monde, on dirait, il faut qu'il retombe dans la drogue pour intégrer d'autres choses, puis après ils reviennent sobres. Puis donc le mouvement astral, des fois, il venait de. L'esprit, c'est pas moral. Ça n'a pas de notion de bien puis de mal. C'est juste le principe d'intégrer. Donc, jusqu'à un certain point, ça devient tellement flou, puis ténu. En tout cas, la seule affaire que je suis sûr, c'est que, bon, que ce soit par l'esprit ou l'astral, la seule chose que je suis sûr, c'est qu'on se fait manipuler. On se fait manipuler de l'intérieur vers l'extérieur, puis vice-versa. Mais bon, merci pour la réponse. Oh, je sais plus c'était quoi. Si tu as des références d'ouvrages qui traitent de comment l'éducation en Occident a été programmée pour maintenir une certaine ignorance et former la main-d'œuvre. J'ai pas d'ouvrage à conseiller, parce que ça, c'est des choses que je veux dire, c'est pas en lisant ça que je m'en suis rendu compte. C'est en allant à l'école. Donc, sortir du. Il est dangereux de manquer de discernement. Ça n'a jamais été aussi dangereux, oui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on est retombé comme à des époques où le moindre manque de discernement pouvait coûter la vie. On le voit avec la. Bon, non. Sortir du psychologique qui s'appuie sur l'entendement pour développer une vision psychique. Il y a un parallèle avec la manière dont la phénoménologie a pris le pas sur. La philosophie analytique. Ouais. Mais d'un autre côté, moi, l'entendement, je ne l'ai jamais abandonné tout à fait. Quant à j'aime de chargeur, sa vibration est très agressive et speed quand Il appartient de toi, c'était la vibration posée qui lui posait problème. Forcément, il n'a que survolé ta chaîne moi. C'est pour ça que je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Je vais être franc avec vous, là, ce qui se fait du côté des Français, la plupart du temps, je trouve pas ça intéressant. Puis, tout ce gang-là. Je les trouve vraiment pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Les seules fois où j'en ai eu connaissance, parce qu'ils s'insultaient entre eux. Puis ils traitaient des personnes de folles. C'est là que j'en ai eu connaissance. Puis même jusqu'à un certain point, on sent une certaine, peut-être une certaine misogynie inconsciente. Bon, je dis pas que moi j'ai pas. Bon, des fois, je peux être rétrograde. Il y a du monde qui va me dire t'es rétrograde un peu. Ouais, c'est parce que vous ne me connaissez pas en privé parce que je suis bien pire que vous pensez. OK, je vois quand on absorbe et on voit l'énergie qui se débloque, cela devient clair. L'énergie est plus forte et on intègre clairement. Ah, moi. Là, je vous avoue, j'ai de la misère. J'ai de la misère à. Faut pas réfléchir vraiment, mais là, je pense à ça, j'aime. C'est peut-être mieux que je n'aille pas voir ça. Ben, tu sais, moi, je ne vais pas faire de vidéo pour parler de lui. Hein? Ça, c'est des lois, presque de physique. Il y en a, ils vont parler de moi, mais moi, je ne parlerai pas d'eux autres. J'aime le blogueur, c'est un crinqué, pas capable. J'aime le blogueur, je ne sais pas de qui. C'est ce que je me disais aussi par rapport à l'éducation. Bon samedi à tous, ben, je vais regarder ton entrevue en live. Cette semaine, ça risque d'être intéressant. Mois de décembre commence. Oui, ben moi, je vais aller. Ben, je vais pas aller déjà. Que pensez-vous de Dieudonné? Qu'est-ce que je pense de Dieudonné? Rien. Rien. Chacun a le droit de faire son beurre. Hein? Qu'est-ce que je pense de Dieudonné? Dieudonné, c'est un parvenu dans le sens que. Il avait réussi sa carrière, puis finalement, il s'est fait taper sur les doigts par les autres, des tartistes, des comme lui, là, ce milieu-là. Il s'est fait sacrer dehors un peu de ce milieu-là, parce qu'une certaine communauté n'était pas contente, donc il a décidé de revirer sa veste. Il a reviré sa veste, puis finalement, il a décidé de faire de l'argent pareil. Mais c'est pas. Moi, je trouve pas ça honnête, désolé. Il a ri du monde. Avec ses épines pour la paix, là, puis ses affaires, c'est des arnaques. Son ananas assurance, puis ananas crédit, puis il est marié avec, il était avec Noémie Montagne, je pense, c'est une ancienne actrice porno, puis bon, c'est du monde, c'est du quelqu'un qui trempe dans des milieux que je trouve détestables. Puis le but, c'était clairement de faire de l'argent. Puis là, ben, ils sont en train de s'entre-déchirer, comme c'est tout le temps le cas. Vous vous souvenez, Noémie Montagne, qui s'était fait baptiser dans une piscine par Morgan Priest? Ça, c'est de l'indécence. Ça, c'est de l'indécence. Puis là, Noémie Montagne puis Dieudonné, ils s'entre-déchirent. C'est sûr, ils veulent chacun la cagnotte. C'était elle, les productions La Plume, fait que bon. Ils veulent ramasser le. Ben. Qu'est-ce que je pense de Dieudonné? J'aime autant pas trop me prononcer. Mais moi, à mes yeux, c'est un homme très brillant, très charismatique. Mais bon. Le but, c'est de faire de l'argent. Puis de se préserver. Regardez quand il dit qu'il allait se présenter pour la présidence du Cameroun. Au niveau de la Constitution, c'était même pas possible. C'était encore pour faire marcher le monde. Hein? Puis du monde comme Sorel, tu t'associes pas à ça. Il y en a bien qui pensent que Sorel, il le ferait chanter. Allez voir ce qu'il en dirait. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas puis qui le discréditent, mais il y a certaines affaires qui sont sorties que moi, je le crois à 100%. Ahmed Mouelek. Ahmed Mouelek. Je le crois, Ahmed. Ben, des affaires qui se passent au Cameroun, là, Dieudonné, là, qui serait allé au Cameroun du monde. Puis... il se passe des choses dedans. C'est facile après rire de Jacques Lang, hein, qui s'en va. Mais ben oui, mais quand si tu fais pareil au Cameroun, monsieur Dieudonné, puis que ça se sait, puis bon, ça dépend, là, ça dépend. Moi, j'étais pas là, j'étais pas là, mais Ahmed Mouelek, moi, je pense que, bon, il y a une partie de ce qu'il a dit que c'est peut-être pas vrai parce qu'il y a des histoires de vengeance, il y a des amertumes, il y a des. Bon. Mais moi, Dieudonné, puis Sorel, non. C'est de la business. C'est de la business, puis le but, bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'en lis une dernière, puis je dois y aller parce que là, ça, la dernière fois, il a eu une question de pourquoi toutes les valeurs s'écoulent, mais la réponse était un peu floue pour moi. Est-ce possible de développer un peu plus? Ben, c'est juste des. Prenez, quand une civilisation atteint un certain apogée, après, il y a une certaine décrépitude. Bon, ben, c'est ça qui se passe. C'est là que les valeurs suivent. Je veux dire, c'est des lois cycliques. Une civilisation, c'est comme un organisme vivant. Vous avez une naissance, vous avez un développement, vous avez une mort. Puis, quand une civilisation commence à s'écrouler, ben là, on voit des choses comme ça. Donc, prenez les Étrusques vers la fin, c'était n'importe quoi, là. Hein? Ou les Moche, puis, je veux dire, on le voit par les peuples qui ont branche maçonnique, commande de tour sur Alba. Ben oui, ben, Philippe Péninque. Grand Orient de France, il s'est jamais expliqué. Ouais, quelqu'un qui m'écrit s'inverse. Ben, ça vient d'où l'inversion des valeurs? Ça vient du fait que c'est la polarité. C'est parce qu'on est conditionné à la polariser dans notre mental qu'il y a de possible inversion des valeurs. Prenez, bon, pourquoi le serpent est symbole, entre autres, de la science du bien, du mal, donc de la polarité. Puis tout un serpent, il est lié à la terre. Il est lié à la terre. Un serpent qui évolue sur un sol, il sépare le terrain en deux. Prenez, la vieille histoire, des anges qui donnaient aux enfants, leur prénom avant qu'ils viennent au monde, puis qui leur disent c'est un secret, puis ça viendrait de là, Ça, c'est le signe des initiés de la connaissance, c'est le signe de la polarisation dans le mental, puis des sciences de la polarisation dans le mental, puis de l'inversion. C'est ce qui sépare la bouche en deux. D'ailleurs, les gens qui souffrent de syndrome d'alcoolisme fœtal, ils ont une des façons de le reconnaître, ils ont pas de. Ici, il n'y a pas de creux. Ils ont des yeux bizarres, là, bridés d'une façon étrange, là. Allez voir une photo de Mario Dumont. Allez voir une photo de Mario Dumont, vous allez comprendre. Puis moi, ben, il faut que ça fait quand même 1 heure, là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'en ai dit pas mal, je pense, là. Bonne journée. Au revoir.